Daj se muzici Vladimira Košmara. Enchuente nation, nation, enchuente fashion, fashion, enchuente legend, legend, vive l'innovation. Change de vie, change de vision, change de weed, change de souci, change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais l'enfer, fais l'enfer, fais l'enfer. Change de vie, change de vision, change de weed, change de souci, change pas d'équipe comme de t-shirt. Ok, je change le rythme. Et je charge le beat'em. Et je vise un reptilien. Vais à Hell Official. Ok, c'est l'Amérique. Ok, c'est la panique. Différent satanique. En vrai, c'est le même rythme. A R, A, F, tant que je flex. J'vis la belle dans ses fesses. Belvédère dans les veines. La NOSMS. Tu détestes tout sans prétexte. A tous les coups, c'est toi que tu détestes en effet. Everyday, on fait détresse. Change de vie, change de vision, change de weed, change de switch, change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais l'enfer, fais l'enfer, fais l'enfer. Change de vie, change de vision, change de weed, change de switch, change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais l'enfer, fais l'enfer, fais l'enfer. Ce monde est cruel, élevez vos gosses. Si t'as pas le niveau, ne fais pas de gosse. Parents de merde, un enfant de merde. Enfant de merde veut foutre la merde. L'éducation, c'est partout la même. L'élévation, c'est ça qui diffère. D'où vient le mal, les avis divergent. Mais que d'esprit bas dans les faits divers. Change de vie, change de vision. Avant de canner vieux, faut que je vision. Faut que je brille, faut que je nique ce milieu de fuck. Faut que tu nies devant les fuck. Faut que tout nisse, fasse mon chèque. Jamais j'oublierai quand j'étais sec. Jamais j'oublierai quand j'étais sec. Change de vie, change de vision. Change de weed, change de sous-chef. Change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais l'enfer, fais l'enfer, fais l'enfer. Change de vie, change de vision, change de weed, change de souci, change pas d'équipe comme de t-shirt. Fais l'enfer, fais l'enfer, fais l'enfer. Enchuente nation, nation, enchuente fashion, fashion, fashion, enchuente legend, legend, vive les fashion. Daj se muzici Vladimira Košmara.